Je vous propose aujourd'hui de redécouvrir une série d'émissions autour d'Emmanuel Lévinas, initialement diffusée en février 2019. Aujourd'hui, troisième temps, sommes-nous prisonniers de la totalité ? Il faudra désormais compter avec Lévinas, lance Paul Ricoeur à la sortie de la soutenance de thèse du même Lévinas en 1961. Cette thèse s'inspire d'un livre qu'il a écrit quelques années auparavant qui porte un titre programmatique, Totalité et Infini. Si ces termes peuvent paraître abstraits, ils ont une signification bien précise. L'infini, c'est ce qui doit nous permettre de sortir hors de la totalité, de lutter contre la totalité. Alors pourquoi la totalité est-elle dangereuse ? Quelle différence avec le tout ou avec le totalitarisme ? Et quel est cet infini qui peut nous en sauver ? Dieu ou autrui ? La philosophe Catherine Chalier est avec nous en studio aujourd'hui pour répondre à ces questions. Bonjour Catherine Chalier. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Merci. On commence avec Hannah Arendt et 1984. Lorsque je vois un système totalitaire, j'essaie de l'analyser comme une nouvelle forme de système politique inconnue auparavant. Pour cela, j'essaie d'énumérer ses caractéristiques principales. Parmi celles-ci, je voudrais vous en rappeler une qui est entièrement absente actuellement de toutes les tyrannies. Il s'agit du rôle des innocents, des victimes innocentes. Sous Staline, il n'était pas nécessaire de faire quoi que ce soit pour être déporté ou pour être exécuté. La dynamique de l'histoire attribuait un rôle à cette victime et elle devait jouer ce rôle, quoi qu'elle ait fait par ailleurs. Ceci est notre terre. Une terre de paix et d'abondance. Une terre d'harmonie et d'espoir. Ceci, c'est notre terre. L'Océanie. Et ceux-ci sont notre peuple, les travailleurs, les lutteurs, les bâtisseurs. Ceux-ci sont notre peuple, les bâtisseurs de notre monde. Par la lutte, le combat, le sang, la mort, dans les rues de nos cités et sur nos vastes champs de bataille, ils se battent contre la mutilation de nos espoirs et de nos rêves. Lévinas ne manque pas de mots durs lorsqu'il parle de la totalité dans son ouvrage Totalité infinie, Catherine Chalier. Et pourtant, le terme lui-même peut paraître abstrait. Alors comment le comprendre ? Est-ce un bon moyen de commencer, mais de manière pédagogique, de distinguer la totalité du totalitarisme tel que le définit Arendt et tel qu'il est mis en scène dans 1984 d'Orwell et ici dans le film de Michael Radford ? Alors je vois un point commun entre ce que dit Arendt et ce que dit Lévinas. Arendt insiste dans le totalitarisme pour montrer que le totalitarisme est une destruction de la pluralité entre les hommes et une destruction donc de la possibilité même de la politique. Alors chez Lévinas, c'est pas en ces termes qu'il l'exprime, mais en même temps, il voit dans ce que lui appelle la totalité une destruction aussi de cette pluralité humaine, dans un sens donc peut-être un petit peu différent, mais qui rejoint aussi ce que dit Arendt dans l'extrait que nous venons d'écouter, lorsqu'elle parle de ce dynamisme de l'histoire dans lequel les hommes jouent des rôles qu'on leur a attribués et qu'ils doivent jouer jusqu'au bout. Si vous lisez la préface à Totalité et Infini, Lévinas ne parle pas du totalitarisme, il parle de la totalité et c'est essentiellement centré sur la façon dont une philosophie, et en l'occurrence c'est la philosophie de Hegel, pense l'histoire comme un processus qui sera un jour total et qui vise ce que Lévinas appelle dans cette préface une téléologie, c'est-à-dire une fin, un but. Et pour que ce but se réalise, eh bien, les hommes sont au service de ce but et ils jouent donc des rôles sans pouvoir parler par eux-mêmes, sans que ils puissent s'adresser à d'autres. Ce que Arendt dit du stalinisme dans l'extrait voilà, qu'on a entendu. Et Lévinas, victime comme étant prise dans la dynamique de l'histoire. Dans la dynamique de l'histoire, et Lévinas comme Arendt est un philosophe d'après la Seconde Guerre mondiale, et en particulier d'après la Shoah. Lévinas dit qu'il philosophe avec cette tumeur dans la mémoire, ce qui est une formule vraiment tout à fait redoutable, mais en même temps, ce n'est pas du tout pour nous engager dans une philosophie du désespoir et du malheur. Et donc, pour en revenir plus précisément à votre question, dans cette préface dans laquelle il met en question la philosophie quand elle a une prétention de totalité, c'est-à-dire d'inclure dans un tout toute la pluralité humaine, les individus dans leur singularité irréductible, il nous donne aussi à penser autre chose, et il nous donne à penser comment ce qui tient en échec finalement cette totalité, ce n'est pas un contre-pouvoir au sens classique de cette expression, mais c'est précisément la faiblesse de l'être humain, la faiblesse de l'être humain qui nous appelle, qui nous juge et qui nous demande justement que nous arrêtions ce processus et que nous soyons capables d'apprécier l'histoire dans l'instant où elle se passe. Lévinas dit de façon plus précise que cela, l'histoire c'est à chaque instant qu'elle est bonne pour être jugée et non pas à la fin des temps, non pas dans un jugement de l'histoire qui serait censé justifier a posteriori tous les malheurs qui se sont passés et qu'on a attribués à la nécessité de ce processus historique. Donc le terme de totalité est à entendre dans le sens d'un concept philosophique qui s'appliquerait par exemple à la philosophie de Hegel, à savoir un système tendu en vue d'une fin et qui pense tout l'écoulement temporel qui compose l'histoire comme suivant une nécessité. Oui, en particulier donc dans cette préface de Totalité infinie, c'est certainement par cela qu'il commence et il indique que son livre va raconter, comme il dit, c'est le mot qu'il emploie, son livre va raconter comment dans ce processus fait effraction ce qui ne peut pas être inclus en lui, ce qui résiste à cette façon de réduire les êtres humains à être des porteurs de force au service de telle ou telle cause. Et ça sera précisément ce qu'il va appeler l'infini, par opposition à cette totalité. Et l'infini n'est pas du tout pensé comme une idée de la raison, mais comme ce qui fait effraction dans la totalité et lui l'empêche de se clore, l'empêche de se fermer, l'empêche finalement de réduire les êtres humains à jouer des rôles dans un processus sans visage. Reste à savoir ce qu'il entend par cet infini, on y viendra dans un instant. D'abord, si on reste sur cette question de la totalité, vous avez fait référence à un texte magnifique de Lévinas qui s'appelle « Sans nom », dans lequel Lévinas décrit la Shoah comme une tumeur dans la mémoire. Il écrit ceci, il dit « Quand on a cette tumeur dans la mémoire, 20 ans ne peuvent rien y changer. Sans doute la mort va annuler bientôt l'injustifié privilège d'avoir survécu à 6 millions de morts. Mais si pendant ce délai de grâce, les occupations ou les divertissements de la vie remplissent à nouveau la vie, si toutes les valeurs dépréciées ou antidéliviennes se remettent à valoir, si tous les mots qu'on croyait de langue morte réapparaissent dans les journaux et les livres, si bien des droits périmés trouvent à nouveau institutions et forces publiques pour les protéger, rien n'a pu combler, ni même recouvrir, le gouffre béant. On y retourne à peine moins souvent des recoins de notre dispersion quotidienne, et le vertige qui saisit à son bord est toujours le même. » Ce qu'on entend dans ce texte, c'est pas du tout la totalité, c'est au contraire le vide, le vertige, la tentation de l'oubli. Donc c'est étonnant de voir que c'est le terme de totalité qu'il investit, alors que ce qu'il raconte, puisque ce terme vient quand même de son expérience de la Seconde Guerre mondiale, est au contraire décrit sous forme de tumeur, d'abcès, de vide. Oui, mais très précisément, la totalité, c'est ce qu'il voudrait faire oublier. Et quand il dit 20 ans, justement, c'est pas l'imprescriptible, contrairement à ce qui était en jeu à cette époque, à 20 ans, justement, quand Yankelevitch écrivait l'imprescriptible, on disait, bon, allez, c'est prescriptible, maintenant on passe à autre chose. Mmh. La totalité, c'est ce qui veut combler l'oubli, justement, ou c'est qui veut passer outre cette tumeur. Et très précisément, Lévinas ne pense pas du tout ça. Il veut montrer qu'il y a peut-être chez certains cette tentation de l'oubli pour continuer justement le train d'être de l'histoire, comme il l'exprime, et pour qu'il se poursuive, et puis qu'on passe à autre chose, qu'on pense à autre chose, et que le devenir puisse continuer. Mais cette tumeur dans la mémoire, c'est ce qui lui interdit, et à d'autres aussi, justement, de passer à autre chose. Maintenant, il ne faut pas du tout penser que cette tumeur dans la mémoire l'induit à une philosophie justement qui serait portée par le malheur et qui ne ferait que ressasser le malheur. C'est pas du tout ça. C'est précisément parce que cet innommable a été accompli que Lévinas, et dans son œuvre, nous montre comment la seule réponse possible, la seule réponse qui confère encore un tout petit peu de dignité à l'être humain, c'est d'être infiniment responsable pour chaque instant de l'histoire qui passe. Et donc, pour juger aussi cet instant qui passe et pour ne jamais admettre que la mort des hommes puisse être considéré comme un moyen pour une fin idéologique et désastreuse. Donc c'est pour que cela n'arrive plus jamais. Bien sûr, oui. Et donc toute la philosophie de Lévinas peut se... Enfin, le projet de la philosophie de Lévinas peut se... On peut identifier son origine dans l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. C'est lui qui le dit. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que c'est à partir de cette expérience-là qu'il... Non pas, il ne met pas en accusation les êtres humains. Il dit tout à fait autre chose, qui est beaucoup plus difficile. Il dit comment cette expérience se retourne en une infinie exigence envers soi-même. C'est cette infinie responsabilité de l'être humain pour son prochain, c'est ce que exige le soi vis-à-vis de lui-même. Et donc, de ces morts, nous te demandons compte. Pas du tout pour que tu culpabilise à jamais dans toute la vie, mais pour que précisément tu saches que tu es responsable des vies qui t'entourent, des vies faibles qui t'entourent, et ne jamais consentir qu'elles soient mises au service de causes idéologiques qui les réduisent à être des moyens en vue d'une fin. Mais c'est rarement de cette façon que Lévinas formule sa pensée. Dans Totalité infinie, il n'y a pas de référence à l'expérience vécue, à la Shoah, à la Seconde Guerre mondiale. Donc pourquoi ce besoin d'abstraction finalement de sa pensée qui, au contraire, est nourrie d'une expérience réelle et traumatisante? Si vous regardez les dédicaces de son deuxième grand livre, Autrement qu'être au-delà de l'essence, c'est particulièrement clair. C'est ça, dans un second temps. C'est particulièrement clair. Ce livre est à la mémoire de toutes les victimes de l'antisémitisme, qu'elle soit juive ou qu'elle ne soit pas juive, et dans la dédicace en hébreu, qui n'est pas la traduction de la dédicace en français, il y a les noms de ses proches qui ont disparu. Et c'est très émouvant de penser comment il y a ces dédicaces, et ensuite le livre nous incite à penser comment la subjectivité humaine, ce qu'il appelle la subjectivité humaine, est habitée justement par cette responsabilité infinie pour autrui, et que c'est ça sa réponse. Sa réponse, elle est là, elle n'est pas dans le ressassement du malheur. Vous insistez beaucoup sur cette dimension-là, que la pensée de Lévinas n'est pas négative, même si elle part d'un traumatisme qui a cette volonté. On ne parle pas non plus d'optimisme. Comment vous qualifiez ce mouvement? Ah non, elle n'est ni pessimiste ni optimiste. Je pense qu'elle ne se laisse pas penser dans ces catégories-là. C'est une philosophie qui essaie de penser comment le soi humain, ce qu'il appelle le soi humain, peut découvrir en lui-même une dimension de lui-même qu'il méconnaît le plus souvent dans les tâches qu'il s'assigne ou dans sa persévérance dans l'être, comme il le dit aussi. Mais cette dimension de lui-même, de ce soi humain, elle est éveillée en lui. C'est pas lui qui s'éveille à elle, elle est éveillée en lui, en particulier par ce qu'il appelle, et vous en avez parlé hier, je sais, sur le visage d'autrui, en ce sens que le visage d'autrui est à la fois la faiblesse extrême, la nudité, la mort possible à chaque instant, il n'y a pas de protection, mais en même temps, on n'est pas dans le misérabilisme, il est auteur et il est commandement. Commandement, tu ne tueras point. Tu ne tueras pas. C'est ce qu'on lit sur le visage d'autrui. Non, on ne le lit pas, on l'entend. On l'entend. Quelle différence? Pourquoi c'est important? C'est important parce que le visage ne se voit pas, le visage s'entend. Et cette parole, elle n'est pas de l'ordre de la visibilité, justement. Donc il faut écouter en regardant. Tout à fait. Donc c'est la voix plus que le visage. C'est le moral de la radio. C'est même pas la voix ou l'oral de la radio, parce que ce visage ne prononce pas explicitement ses paroles. Et ce visage, je dirais, ne sait même pas qu'il prononce ses paroles. Et c'est pas le visage, c'est pas le visage de Pierre, c'est pas Pierre qui se dit « Tiens, je vais dire à mon voisin, ne me tue pas ». Ça pourrait arriver, bien sûr, mais c'est pas du tout ce que dit Lévinas. Il dit « Le visage, dans sa toute faiblesse et dans sa hauteur, dans son commandement, il me fait entendre cette parole qui est une parole biblique, « Tu ne tueras pas ». Et Lévinas dit « Ce visage, il est dans la trace de l'infini. Il est dans la trace de l'infini et c'est cet infini qui me parle à travers Alors lui. Voilà, la question est de savoir si autrui n'est pas de porte-parole d'une parole divine justement qui le précède. Je vous propose qu'on laisse la parole à Lévinas. C'était en 1981 au micro de Philippe Nemo sur ce qui s'appelait à l'époque les chemins de la connaissance. Le propre de ma relation à l'infini, c'est que l'infini ne se dévoile pas. Il signifie quand, en présence d'autrui, je dis « me voici ». C'est le « me voici » qui est le lieu où l'infini se mêle du langage, ou apparaît dans le langage. Il n'y apparaît pas. À proprement parler, il n'est pas thématisé, il n'y a pas de vision de l'infini. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie et Emmanuel Lévinas à l'occasion de cette série d'émissions sur le philosophe Emmanuel Lévinas en partenariat avec Philosophie Magazine qui lui consacre un hors-série disponible en kiosque actuellement où on trouve beaucoup d'articles. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la philosophe Catherine Chalier. On a défini la totalité, enfin on a essayé de montrer quel sens ce terme prenait dans la philosophie de Lévinas comme étant quelque chose de mortifère et on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus mais on y reviendra aussi comme synonyme de guerre, enfin le terreau de la guerre. L'infini, vous l'avez dit, l'infini, alors autrui et l'irruption de l'infini dans mon monde, finalement, face à moi. Et Lévinas ici le dit, il dit bien que c'est que finalement c'est autrui quand il dit « me voici », il y a comme une apparition, une épiphanie, dit Lévinas. Est-ce que c'est comme ça qu'on peut saisir l'infini ? C'est à travers le visage d'autrui qu'on ne voit pas, mais qui incarne quelque chose. Donc ce visage, on ne le voit pas, mais il m'appelle. Il me dit, il me sollicite, il me fait responsable, il m'élit. Et je ne peux pas pourquoi pas élire quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il n'y a pas de remplaçant dans l'élection. Mais je ne sais, c'est ça la difficulté chez les visages, je ne sais que ce visage m'appelle que lorsque je lui réponds. C'est-à-dire, je n'entends pas d'abord l'appel, et puis je réfléchis, et puis ensuite je dis « me voici ». Mais c'est parce que je dis « me voici », c'est un accusatif, « voici moi », parce que je dis « me voici », que j'ai entendu cet appel. Vous voyez, nous ne sommes pas du tout dans une philosophie classique de la réflexivité, du retour à soi, et ensuite de la réponse consentie ou non consentie. Donc ce visage... j'allais dire, m'arrache ma réponse. Et dans l'instant où je donne cette réponse, où je dis « me voici », qui par parenthèse est une traduction de l'hébreu « inéni »,« me voici », qui est la réponse que donnent la plupart des héros de la Bible, Abraham, Moïse, etc., lorsque Dieu les appelle et ils répondent « me voici », c'est-à-dire c'est un dépouillement de ce qui fait mon moi habituel, un dépouillement de mon intéressement à être, de mes occupations. Cet appel me dérange absolument. Autrui, sa définition, c'est qu'il me dérange. Et c'est parce que je dis « me voici » que je suis élu. Je ne suis pas élu parce que je suis X ou Y, c'est parce que je dis « me voici » que je suis élu. Et cette structure-là, de l'appel et de la réponse, elle est éminemment biblique. Mais ça veut dire qu'il faut croire en Dieu pour agir moralement ? Bien sûr que non. Bah, être élu. Quand on est élu, c'est par rapport à un Dieu. Pourquoi on peut être élu dans toute... En toute, politique, mais c'est notre affaire. Non, pas du tout. On peut être l'heureux élu de quelqu'un. Oui. c'est pas du tout vrai. L'élu, je suis... Si ce mot vous effraie un peu, on peut dire « je suis choisi ». mais qui nous choisit. Non, mais Lévinas emploie ce mot d'élection. C'est pas moi qui le lui prête. Lévinas emploie ce mot d'élection. Mais c'est un magnifique mot. Et bien sûr qu'il ne s'agit pas de croire en Dieu pour être élu. D'ailleurs, l'expression « je crois en Dieu », je vous mets au défi de la trouver chez Lévinas. Vous ne la trouverez absolument à aucun moment. Et il dit « le premier mot où Dieu vient se mêler à nos mots, c'est pas le mot Dieu. C'est cette réponse, me voici. » Mais ça ne présuppose aucune croyance en Dieu. Mais c'est la réponse, vous l'avez dit, que font les prophètes à l'appel divin. Certes, mais on peut la faire à autrui. On peut tout à fait la faire à autrui. Et c'est très important, parce que sinon on ne comprend pas du tout Lévinas. C'est cette réponse qui déchire le moi dans son identité pour le découvrir dans son unicité. Et ces deux termes ne sont pas du tout synonymes chez identité Lévinas. Identité et unicité. Ces deux termes tout à fait différents. Mon identité, c'est tout ce qui me permet de me définir, définir socialement, psychologiquement, tout ce que vous voulez. Et l'unicité, c'est quand je suis l'unique à pouvoir répondre. Et ça n'a rien à voir avec mon identité. Absolument rien à voir. Lévinas parle même à un moment donné, dans un de ses livres, d'homme sans identité. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'en a pas. Mais ça veut dire que l'unicité, c'est ce moment où je découvre mon unicité, là où il n'y a personne qui peut me remplacer. Absolument personne ne peut me remplacer. Et je ne le découvre pas par un retour sur moi-même, par un examen sur moi-même, je le découvre par une attention extrême qui me fait dire « me voici ». Et c'est tout à fait aux antipodes, encore une fois, de la grande philosophie classique de la réflexivité. Il n'y a pas de réflexivité. Mais puisque vous parlez de la philosophie classique, non pas de la réflexivité, mais de la morale, est-ce qu'on peut dire que chez Lévinas, autrui joue le rôle de la loi morale chez Kant, à savoir qu'on choisit librement d'obéir à la loi morale chez Kant, à autrui chez Lévinas, et que c'est ainsi que la morale advient? Oui, si vous voulez, chez Kant, la loi morale, c'est une loi autonome, c'est-à-dire c'est par ma raison, on se donne à soi-même sa propre loi. Tandis que chez Lévinas, nous sommes au contraire dans l'hétéronomie, c'est-à-dire la loi donnée par un autre qui m'appelle et qui me fait responsable. Donc, et quand on dit tu ne tueras pas, c'est pas il ne faut pas tuer, c'est pas la raison dit qu'il ne faut pas tuer, c'est Toi, tu ne tueras pas. Et c'est une parole, c'est très important. C'est une prononcée. Parole. Et c'est une parole. Et alors c'est une parole qui s'adresse à chaque tu dans son unicité, sans possibilité de se faire remplacer. Et tout le décalogue dans le texte biblique est donné de cette façon-là. Le décalogue n'est pas donné sous forme abstraite. Il ne faut pas tuer, c'est pas bien. Il est donné. Toi, tu ne tueras pas. Et Martin Buber disait dans un de ses livres, je ne me souviens plus lequel, le tu, c'est l'âme du décalogue. Et je crois que, à sa façon, Lévinas reprend cela. Alors, pour essayer de questionner plus précisément les liens entre la philosophie de Lévinas et son judaïsme, eh bien, laissons-lui la parole dans un texte qui s'appelle Difficile Liberté. L'article s'appelle Une religion d'adulte et il est lu ici par Vincent Schmitt. Le judaïsme se sent extrêmement proche de l'Occident, je veux dire de la philosophie. L'affirmation rigoureuse de l'indépendance humaine, de sa présence intelligente à une réalité intelligible, la destruction du concept numineux du sacré, comporte le risque de l'athéisme. Il doit être couru. À travers lui seulement, l'homme s'élève à la notion spirituelle du transcendant. C'est une grande gloire pour le Créateur que d'avoir mis sur pied un être qui l'affirme après l'avoir contesté et nié dans les prestiges du mythe et de l'enthousiasme. C'est une grande gloire pour Dieu que d'avoir créé un être capable de le chercher ou de l'entendre de loin à partir de la séparation, à partir de l'athéisme. Je pense que Platon, il n'est pas l'écriture, mais c'est une. Il appartient à la Torah dans le sens large du terme. J'ai toujours pensé que la littérature nationale joue le rôle des Bibles, ce sont des livres par excellence. Est fait pour que les pistes soient brouillées, Catherine Chalier. Quand il parle du judaïsme, il insiste sur l'athéisme, et lorsqu'il parle de Platon, il dit que ça appartient à la Torah, finalement que tout roman national, tout texte national appartient au texte biblique. Alors où se situe-t-il dans cette rencontre entre la philosophie et la religion ? Commençons peut-être par l'athéisme. Quand il dit « c'est une grande gloire pour Dieu d'avoir créé un être capable de le chercher depuis la séparation et depuis l'athéisme », ça me semble extrêmement important. C'est-à-dire, Lévinas, lorsqu'il réfléchit à la création, pense que la création, c'est, selon l'étymologie du verbe « bara » en hébreu d'ailleurs, c'est poser dans l'être un être qui sera indépendant, qui n'est pas dans la dépendance de Dieu. Et l'athéisme, ça signifie pour lui que Dieu n'est pas un besoin, que nous pouvons vivre sans Dieu et que nous pouvons même être heureux sans Dieu, nous pouvons vivre séparés sans nostalgie de Dieu. Voilà par exemple un terme qui n'est jamais présent dans sa pensée, le terme de nostalgie. Et donc, cette position-là est extrêmement importante parce qu'à ce moment-là, il va justement penser que l'homme peut chercher Dieu, mais c'est très important de le chercher, non pas parce que j'en aurais besoin pour vivre, c'est ce qu'il appelle d'ailleurs un Dieu économique, un Dieu qui répond à mes besoins, qui me console, qui me récompense, donc Dieu, chez Lévinas, ne récompense pas, ne console pas, rien de tout cela. Même si, bien sûr, beaucoup de passages dans les textes bibliques peuvent se lire en ce sens-là, lui ne les lit jamais en ce sens-là, et il récuse le Dieu économique. Pour lui, ce Dieu économique, c'est vraiment le Dieu est mort de Nietzsche. Et il le fait sien. Le Dieu bien commode, au fond. Oui, le Dieu pour moi. Le Dieu pour moi. Au lieu de servir Dieu, nous nous servons de Dieu, ce qui est la plupart du temps le cas. Donc lorsqu'il insiste sur l'athéisme, il insiste sur cette idée que Dieu n'est pas un besoin pour nous. Ce en quoi, je me permets de dire, il rejoint une phrase que j'ai toujours beaucoup aimée d'un théologien protestant, Dietrich Bonhoeffer, qui a été assassiné par Hitler. Il avait pris parti contre Hitler et il a été en prison et il a été donc assassiné. Et il disait ceci que Lévinas pourrait tout à fait redire à lui-même, c'est « nous devons vivre en ce monde sans l'hypothèse de travail Dieu ». Voilà. Et nous pouvons vivre dans ce monde sans l'hypothèse de travail Dieu. Nous pouvons tout à fait et nous pouvons même être heureux, etc. Et donc Lévinas ne pense pas du tout Dieu de cette façon, et sa lecture des textes bibliques, son interprétation des textes bibliques n'est jamais pieuse. Pourquoi Dieu dans ce cas ? Parce que Dieu vient à l'idée. Et ça, c'est un titre de ses livres. Et ce qui est très important dans la phrase « Dieu vient à l'idée », c'est le verbe. C'est pas Dieu, je ne peux pas vous définir, c'est impossible, mais c'est vient à l'idée, ce venir, cette descente de Dieu dans mon esprit, dans certaines circonstances. Et quelles sont ces circonstances ? Il les décrit très abondamment, ces circonstances, c'est ces circonstances justement dont nous parlions avant l'extrait que nous venons d'entendre, c'est les circonstances dans lesquelles je réponds, me voici, à l'appel du visage de l'autre. Et c'est dans ces circonstances-là que Dieu vient à l'idée. Mais ce qui compte, c'est encore une fois, c'est ce verbe venir, et on ne peut pas bâtir une théologie complète à partir de là. J'entends par théologie ici son sens étymologique, c'est-à-dire un logos sur Dieu. Il n'y a pas de logos sur Dieu chez Lévinas. Pas du tout. Le discours de pensée, oui. Il n'y a pas ça du tout. Par contre, il y a, et c'est tout à fait indéniable, dans le texte donc, que vous avez lu, donc, il essaye de montrer justement l'opposition entre le sacré et le saint. Le sacré, ça serait un divin qui serait immanent en particulier à la nature, et peut-être pour faire un lien avec le début de notre propos à l'histoire, la raison qui se réalise dans l'histoire à la façon de Hegel. Donc c'est aussi cela qu'il récuse. La nature ne n'est pas habitée par le divin chez Lévinas. L'histoire n'est pas la geste divine non plus. Et que reste-t-il alors? Il reste justement ce psychisme humain qui, dans certaines circonstances, dans ces moments où il répond « me voici » à la hauteur et à la misère de l'autre, à ce moment-là, Dieu vient à l'idée. Mais alors, autant, on va revenir sur la deuxième partie, hein, Platon appartient à la Torah dans un instant, oui. Mais autant Lévinas, dans les extraits qu'on a entendus, qualifie l'irruption d'autrui comme étant l'irruption de l'infini, oui, dans le tout, autant l'infini est aussi synonyme de Dieu. Donc je vous repose la question que j'avais posée tout à l'heure, est-ce qu'on peut dire que autrui est en quelque sorte le porte-parole, l'incarnation, ou quelque chose qui renvoie vers Dieu? Puisque c'est, dans les deux cas, c'est l'infini. C'est l'infini, oui. Lévinas n'emploie ni l'expression porte-parole et encore moins l'expression incarnation, de bonnes raisons. C'est un terme trop chrétien. Oui, tout à fait. Oui. Et puis en plus, quand il parle du visage, il ne parle pas justement de oui, l'incarnation. Pas du tout il ne parle pas du tout comme ça. Il ne parle pas en ce sens-là. Mais ce qu'il dit, c'est que le visage, il est dans la trace de l'infini. Ce qui compte ici, c'est le concept de trace. Il est dans la trace de l'infini, mais cet infini, il a toujours déjà passé, et il en donne parfois une référence très précisément biblique, qui est le moment où, à un moment donné, Moïse, dans la Bible, demande à Dieu de le contempler. Et Dieu dit « Non, tu ne pourras pas, mais mets-toi dans un rocher et quand je vais passer et tu me verras de dos, si je puis dire. » Voilà, voilà. Et Lévinas dit ça. Et à ce moment-là, Moïse ensuite s'attache, c'est de redescendre vers le peuple, c'est de redescendre vers les autres. Je dirais, si vous voulez, pour dire les choses peut-être encore plus simplement, le mouvement chez Lévinas, il serait le suivant par rapport à Dieu. En admettant que j'ai, ce qui récuse, le désir de Dieu, le désir de l'infini, la nostalgie de Dieu, donc que mon désir vit cet infini directement. Et il dit, cela n'aboutit jamais, parce que Dieu ne me comble jamais de bien, mais il m'oblige au bien, meilleur que tous les biens à recevoir. C'est-à-dire ce mouvement qui directement visait l'infini et détourné de cette fin qu'il visait vers les créatures humaines, vers les êtres humains. Et donc, c'est parmi les hommes que se joue ce désir de l'infini et nulle part ailleurs. Donc c'est un désir de l'infini, mais quand autrui m'interrompt, c'est pas un désir, vous l'avez dit, c'est toujours une gêne. L'infini peut faire irruption de manière problématique, traumatique. Oui, mais même. C'est pour ça que j'ai dit, si vous voulez, si on imagine que quelqu'un désire, et j'ai bien précisé, Lévinas dit pas du tout ça, mais si on s'imagine que quelqu'un désire aller à Dieu directement, ce désir est toujours éconduit, et il doit redescendent vers la pluralité humaine, vers les êtres humains. Quant au mot « désir » chez Lévinas, il lui donne, lui, un sens très particulier. Le désir n'est pas du tout ce qui surgit en moi à partir d'un manque que j'éprouverai, à partir d'une souffrance que j'éprouverai, et je chercherai comment combler ce manque, cette souffrance, d'une façon ou d'une autre, ou par la rencontre de quelqu'un. Le désir chez Lévinas, il met une majuscule dans totalité infinie à ce mot, il le pense d'une façon non négative, à la manière hegelienne, pas du tout comme ça. Il dit, Le désir, c'est l'autre qui le creuse en moi. C'est pas moi qui, par le manque que j'éprouve, va vers l'autre. Ce désir est creusé en moi sans qu'il ait éprouvé auparavant une souffrance particulière. C'est là où sa philosophie devient très pleine de surenchère. Plus je réponds, plus ce désir est creusé. Et alors, plus oui. Je dois répondre encore. Puisque vous faites référence à ce texte dans Totalité Infinie sur le désir, on a parlé rapidement de la phénoménologie de l'éros les jours précédents, et vous avez écrit un ouvrage sur les figures du féminin, lecture d'Emmanuel Lévinas à propos de cette question du féminin. Comment vous lisez-vous cette question du féminin chez Lévinas, qui paraît bien problématique dans la mesure où le féminin semble dans ce texte essentialisé, c'est le féminin avec un F majuscule, qui est toujours l'inviolable, toujours déjà violé. Est-ce que pour vous, c'est finalement ce terme-là, relève d'une pensée qui serait datée, ou est-ce qu'il y a vraiment une pertinence de cette figure du féminin dans la pensée de Lévinas? Dans le début de son œuvre, jusqu'à Totalité Infinie, il a pensé que l'autre par excellence, c'était la femme. Alors qu'après, il n'est plus du tout revenu sur ce thème de cette façon-là. Et donc, son livre est écrit du point de vue de l'homme, au sens vir, par rapport... du mal. Oui, c'est ça. Bon, après, il a renoncé à cette façon de penser que l'autre, par excellence, c'était la femme, et il n'y a plus cette dimension-là. Mais... pour pas esquiver votre question par rapport à Totalité Infinie, bon, il est vrai que dans les pages de Totalité Infinie, lorsqu'il parle du féminin au centre du livre, la femme dans la maison, silencieuse, etc., donc on a le sentiment qu'elle n'a pas encore ce statut justement de véritablement autre qui appelle ma réponse, qui appelle ma responsabilité. Et la dernière partie sur l'érotique, on voit la difficulté de Lévinas à penser cette articulation entre justement le désir érotique et puis ce qu'il va appeler le désir creusé par l'autre au sens où cet autre me fait responsable pour lui. Et en fait, dans la suite de son œuvre, si vous regardez, il dira, mais très explicitement, que la responsabilité ne provient jamais d'Eros. Et il opposera Eros, l'amour érotique, à ce qu'il appellera, en reprenant une terminologie assez classique, l'agapé, c'est-à-dire ce qu'on traduit souvent par charité, mais j'aime pas trop traduire ça comme ça parce que ça donne pas la force de ce mot, si vous voulez. La charité, agapé, c'est l'amour qui donne. C'est l'amour qui donne. Généreux, oui. Voilà, abondant, c'est l'amour qui donne. Et donc, c'est problématique. Moi, je ne pense pas que je le suivrai sur ce point, mais ce n'est pas le problème. Mais il va séparer les deux, c'est-à-dire jamais l'amour qui donne, l'amour responsabilité pour lui ne provient d'Eros. Oui, vous dites, je rebondis là-dessus encore, parce que vous dites, je ne sais pas si je le suivrai jusque-là. Quand même, justement, c'est ça qui est intéressant, parce que la morale de Lévinas, ou l'éthique de Lévinas, mais dans ce texte, il est quand même beaucoup question de morale, de la première ligne, de la préface de Totalité Infinie, à quelque chose, vous l'avez dit, de très exigeant, peut-être même d'idéaliste, quelque chose d'intenable, de très âpre. Et si on ne le suit pas jusqu'au bout, que reste-t-il de la pensée de Lévinas? Il y a une radicalité qu'on est obligé d'assumer pour le suivre jusqu'au bout. Sinon, on est en dehors de ce texte-là. Comment vivez-vous avec cette exigence, vous qui avez travaillé sur Lévinas toute votre vie, vous y avez consacré beaucoup d'ouvrages, vous l'avez sans doute enseigné? On peut tout à fait poser des questions par rapport à certains points de sa philosophie, heureusement. Mais je pense que, si vous voulez, tout ce qu'il dit sur la responsabilité, cette responsabilité infinie, cette exigence justement de répondre, il n'est pas en train de décrire notre comportement. Il sait très bien que nous ne conduisons pas ainsi souvent. Mais ce qu'il dit, qui m'a toujours semblé très profond, ce que je dis par rapport à la responsabilité, par rapport à cette responsabilité vis-à-vis de ce visage à la fois fort et faible, c'est la condition du peu de bien qu'il y a en ce monde. C'est à condition du peu de bien qu'il y a en ce monde, et c'est aussi, s'il ne se trompe pas, et moi je crois qu'il ne se trompe pas, ce que même une personne extrêmement dépravée peut comprendre. Voilà, c'est seulement ça. Mais c'est pas, on n'est pas en train de décrire un monde de gens très gentils. Non, ça certainement pas. Mais c'est là où il est peut-être, alors même si le terme ne convient pas, optimiste, c'est qu'il part du principe que nous avons tous en nous cette possibilité de répondre et d'obéir à l'injonction qu'autrui m'adresse. Oui, ça je crois que c'est le point fondamental et avec lequel je serais alors là tout à fait d'accord. C'est que pour Lévinas, le bien et le mal ne sont pas dissymétriques. Le mal est toujours second, même s'il est effroyable. Et il peut être tellement effroyable qu'il semble avoir totalement effacé toute possibilité de bonté, toute possibilité de dire oui à autrui. Mais Lévinas maintient que c'est le bien, dans le sens pas du tout idéologique de ce terme, n'est pas le symétrique du mal, il est antérieur, et même s'il est tout à fait enfoui au plus profond de nous, il est là. Alors comment il explique que nous puissions faire le mal ? Là, c'est une dépravation, c'est une disposition, comme dirait Kant ? Oui, c'est aussi une disposition, et il dit ça de façon très, très profonde dans un texte d'Humanisme de l'autre homme, c'est le fait de notre condition incarnée, égoïste, au sens pas égoïste moralement, mais égoïste simplement ontologiquement, parce que nous souhaitons continuer d'être, etc. Et donc, qui fait que cette possibilité existe. Donc, on peut faire le mal par distraction, on peut faire le mal par désir de le faire, mais voilà. Mais ce point-là, de l'antériorité du bien sur le mal, ça c'est ce qu'il maintient toujours, et je pense que ça va dans le sens de cette idée que même quelqu'un de dépravé peut comprendre cette responsabilité pour autrui. C'est aussi ce qui rend possible parfois dans un autre contexte, mais la possibilité que quelqu'un qui semble très très endurci soudainement se conduise autrement. Voyez, ce peu de bien qu'il y a en nous que nous pouvons parfois retrouver. Donc ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas une affaire de connaissance, c'est notre nature, vous dites c'est ontologique, c'est nous naissons avec du bien, et cela Lévinas le fonde ou le constate ou le décrète ? Il dit de façon plus différente, il n'y a pas de fondement dans sa philosophie, il dit c'est une alliance pré-originaire du psychisme avec le bien. C'est une alliance pré-originaire, c'est-à-dire on ne peut pas dire qu'elle commence à tel moment du temps, on ne peut pas dire que c'est la nature humaine, c'est une alliance, et ça c'est aussi un terme biblique, hein, le terme d'alliance, pré-originaire avec le bien, et qui peut être sans arrêt sur le point d'être rompu, sans arrêt, tout le temps. Mais voilà, peut-être malgré tout n'est-elle jamais absolument rompue. C'est peut-être là où on retrouve l'importance de la religion dans son travail philosophique, ce pari, c'en est un quand même, sur la préexistence du bien sur le mal, et j'en reviens à ce que Lévinas disait tout à l'heure, on l'a entendu, hein, Platon appartient à la Torah dans le sens large du terme, comme si finalement notre civilisation et nos textes, y compris les plus philosophiques, sont issus de textes religieux, pour Lévinas. Oui, c'est... Alors chez Platon, je pense qu'ici, il retient surtout chez Platon... l'idée du bien, justement. Platon, nul n'est méchant volontairement de son plein gré, c'est aussi cette thèse-là que le oui, mais le enfin, ça, Lévinas ne dit après. Pas que nul n'est méchant volontairement. Je suis sûre que Lévinas pense qu'on peut être méchant volontairement. Intentionnellement, oui. Bon, mais c'est l'idée du bien, et l'idée de l'au-delà de l'être qui retient chez Platon. Et maintenant que les grands textes religieux de l'humanité, et donc en particulier la Bible, puisque c'est ça qui lui importe en tous les cas, la Bible lue et interprétée par la tradition orale juive, ce qu'on appelle le Talmud, les grands commentateurs, etc., par rapport à cette question du bien et du mal, bah écoutez, on peut prendre tout simplement le chapitre 1 de la Genèse, qui est tout entier sous le sceau du bien. C'est bien, tof, tof, tof. Et ensuite, ça se gâte, comme vous savez. Mais rien ne dit que ce tof initial, ce bien initial, pardon, est disparu. Il peut être recouvert, ils peuvent être, semble-t-il, totalement oubliés, mais il est toujours là et c'est aussi ce qui peut expliquer ce peu de bien dont nous sommes encore capables. Et donc, il peut trouver un appui dans le texte biblique. C'est biblique de dire ça. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, Lévinas ait une telle postérité, alors que de son vivant, il n'a pas rencontré le succès immédiatement? On l'enseigne encore aujourd'hui, on le lit, Philosophie Magazine publie un hors-série autour de la pensée de Lévinas. Est-ce qu'il y a une forme de pertinence contemporaine de la pensée de Lévinas aujourd'hui? J'ose pas dire une actualité, parce que c'est toujours un peu galvaudé comme terme, mais comment vous expliquez ça? Moi, je pense que parler de la responsabilité humaine les temps qui courent, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ai toujours perçu dans cette philosophie que j'ai lue très jeune, donc depuis très longtemps, justement cette manière de dire non à la déréliction. On a envie de dire oui à la déréliction. Déréliction, c'est être abandonné par Dieu. Oui, de ce monde qui semble si souvent totalement atroce. Et puis chacun peut être habité par des grandes souffrances. Et précisément, il retourne ce sentiment-là en disant, mais je dis une chose un peu simplement, arrête de chercher des consolations, arrête de chercher justement que quelqu'un t'apaise. Dieu n'est pas cela. Dieu, c'est ce qui va te donner Dieu, l'infini. Cette force pour trouver en toi la possibilité justement d'être responsable du monde et de porter aussi ces souffrances des autres plutôt que de te lamenter sur ton sort. Et je crois que si on retourne les choses, c'est quand même assez sympathique. Moi, j'aime pas quand tout le monde se dit victime, vous voyez. Je trouve ça, c'est parce que c'est très grave. Je veux dire, si tout le monde est victime, personne n'est responsable. Et donc, je dirais, non pas que ça n'existe pas des victimes, oui, ça existe, mais ce n'est pas contribuer à rendre les hommes et les femmes plus forts que de renchérir sur ce thème sans arrêt. Et Lévinas, il pourrait parler de victimes, toute sa famille a été victime de meurtres absolument affreux. Et au lieu, justement, de se complaire dans une lamentation, il retourne cette souffrance en exigence vis-à-vis de lui-même, en exigence, que je dis lui-même, et tout soi humain peut le faire, et en responsabilité. Et ça, je pense que c'est toujours très très important. Toujours très important, même aujourd'hui. Et oui, le peu de bien qui existe en ce monde, il passe aussi par là. Mais voyez, là où ça reste peut-être un auteur classique, c'est que même si vous dites qu'on n'a pas besoin de croire en Dieu pour agir moralement, selon Lévinas, vous répondez à cette question par un détour du côté de Dieu, justement. Dieu n'est pas là pour consoler, mais il est là pour autre chose. Il y a quand même cette présence d'un infini qui est associée à Dieu et qui agit dans la morale. Mais je ne donne pas de définition de ce mot. Moi, je ne sais pas. Vous voyez, souvent, par exemple, des étudiants, quand j'étais professeur à l'université, me disaient qu'ils étaient athées. Et je leur posais la question suivante, mais de quel Dieu êtes-vous athée? Parce que faudrait savoir. Moi, j'étais sans doute athée aussi de ce Dieu-là dont ils étaient athées. Oui, donc, je pense pas qu'il faut se polariser sur ce mot qui... Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire. Mais je pense que... Dieu ou infini? L'infini, c'est aussi absence de définition, par définition. Infini. Donc on ne peut pas poser... On ne peut pas le définir. On ne peut pas le définir. Mais donc c'est plutôt... C'est un événement. Comme je reviens à l'expression tout à l'heure, c'est un événement. C'est un événement, c'est pas... Ces moments que nous pouvons vivre où nous trouvons en nous plus que nous croyons. Et pourquoi nous trouvons en nous plus que nous croyons à certains moments? parce que l'autre nous le demande, même s'il ne le demande pas explicitement. Voilà, je dirais ça comme ça. Merci, Catherine Chalier, d'être venue nous parler de Lévinas aujourd'hui. On peut lire votre dernier livre, Pureté, impureté, une mise à l'épreuve aux éditions Bayard. Et puis, sur Lévinas, vous avez écrit L'utopie de l'humain aux éditions Albin Michel. Pour une morale au-delà du savoir, Kant et Lévinas, toujours chez Albin Michel. Ainsi que Figure du féminin, lecture d'Emmanuel Lévinas aux éditions des femmes Antoinette Fouque. En 2007, on mettra les références en ligne sur les sites des Chemins de la philosophie. After all the time, after you. So I fear your return, but the stillness is open, and I've seen it in your eyes. There'd have been no try after try. You're leaving and no goodbye, and I've just seen one in your eyes. Continuez cette réflexion autour d'Emmanuel Lévinas. Vous pouvez écouter les émissions précédentes disponibles en podcast, celle de demain. Je vous annoncerai le programme, évidemment, demain. On terminera la semaine en compagnie du cinéaste Luc Dardenne, qui viendra vous raconter l'influence de Lévinas dans son cinéma. Vous pouvez également lire le hors-série de Philosophie Magazine sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est temps de retrouver le regard et la chronique d'Aurélien Bélanger. Tu les aimes, tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. Ça demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour. Aujourd'hui, vous vous demandez à quoi servent les livres de philosophie. Exactement. Alors, expression probable de son marxisme désabusé, Manchette, dans l'un de ses polars, confronte brièvement son héros à la bibliothèque d'un appartement bourgeois, et celui-ci note, de façon particulièrement mélancolique, que sont rassemblés ici les plus beaux fruits de 3 millénaires de pensée, comme dans l'appartement d'à côté et dans celui d'après, tout Platon en GF, tous les présocratiques dans un folio, tout Kant en 2 ou 3 pléiades, le meilleur de Spinoza dans un vieux 1000 et une nuit à 10 francs, des Nietzsche un peu partout, un Gréco sur un Malebranche, un livre de Chuang Tzu égaré à côté d'une somme théologique découpée en une quarantaine de petits livres gris. Il n'y a qu'à se tourner vers sa bibliothèque pour être saisi de vertige. Les réseaux neuronaux les plus longs, les pensées continuées le plus loin, l'axone interminable de l'argument ontotéologique de Saint-Anselme, les dendrites étoilées communicantes de l'arbre de Porphyre, tout cela laissé à notre disposition comme des feuilles dans un herbier, des feuilles aux vertus souvent soporifiques et parfois hallucinogènes. Dans la bibliothèque de Babel, je dirais qu'il y a 2 idées. D'abord, il y a l'idée d'une possibilité de variation presque infinie, avec un nombre limité d'éléments. Et puis, il y a eu aussi, derrière cette idée abstraite, une idée d'être perdu dans l'univers, de ne pas le comprendre, de trouver une solution précise du temps et ce qui est plus important de nous-mêmes. Pire encore que le frisson borgésien de Babel, c'est l'idée que l'histoire de la philosophie a sélectionné là ce qu'il y a de meilleur, les arguments les plus imparables, les plus durement définitifs des antinomies de Kant au théorème d'incomplétude de Gödel. Quelque chose qui n'est pas tout à fait à la portée du premier singe dactylographe venu. Tout est là pourtant à portée de main, le plus loin que nous sommes jamais allés intellectuellement, que nous irons probablement. À portée de main, un Louvre de la pensée, une bibliothèque d'Alexandrie, partiellement entièrement reconstitué, et l'ensemble garde bien quelque chose de la ruine, car ce fragment figé de Parménide, cet argument imparable de Duns Scott, était initialement une pensée nouvelle, un éclair d'intelligence à 37 degrés dans la nuit du cosmos. Ses expériences intimes ou sauvages avec la vérité ont été domestiquées dans ses livres, arraisonnées par le langage. L'existence des bibliothèques de philosophie pose au plus haut point la question du rapport entre la pensée et les mots. On voudrait apercevoir derrière les livres la masse gélatineuse de la pensée pure, comme si tout cela, ces pages parallèles, agissaient comme un filtre destiné à convertir cette substance aussi indicible que familière en concept. Là, ce sont les fondations du donjon. Mais comment rejoindre la bibliothèque? Les rats, encore plus que les savants, raffolent les parchemins. Suivons-le, viens. Oh. Je le savais. Hatzo, tu t'imagines? Nous sommes dans une des plus grandes bibliothèques de toute la chrétienté. Combien d'autres salles? Combien d'autres livres? Le grand métaphysicien anglais Whitehead reconnaît pourtant qu'il ne pense pas en mots, qu'il commence par des concepts puis qu'il essaie de les mettre en mots, ce qui est souvent très difficile. On retrouvera peut-être ici quelque chose qui rappelle la pratique des mathématiciens qui ne pensent en général ni en nombres ni en figures, mais plutôt en termes de structure cachée. Mathématicien de Whitehead a été proche quand il a coécrit avec Russell les Principia Mathematica, une œuvre gigantesque par laquelle les deux jeunes logiciens ont tenté de traduire les mathématiques, l'indicible mathématique, dans la transparence du langage logique. Et il leur a fallu alors des pages et des pages de formalisme impeccable pour raconter ce qu'était une addition, ce qu'était un chiffre, des tomes entiers pour rendre raison de concepts qu'un enfant de 7 ans maîtrise à la perfection. Devenu métaphysicien, Whitehead se montrera plus économe. Celui qui mettait des centaines de pages pour dire l'évidence d'un signe arithmétique s'est même trouvé presque à court de mots. On lit ainsi, dans la présentation de l'édition française du grand œuvre de Whitehead, Procès et réalité, cette notation qu'on ne s'attendrait pas à trouver dans un traité de métaphysique, une indication dérisoire sur le nombre de mots qu'il comporte. 160 000 en tout, dont 7 000 mots différents, car il y a des redondances comme avec ce mot d'univers qui se répète 145 fois. Ces calculs paraissent mesquins, et puis on se dit que c'est l'œuvre elle-même qui est mesquine. Faire un traité de métaphysique tout englobé, dire ce qu'il en est de la forme du monde en 7 000 mots, comment l'homme peut-il croire cela possible? À quoi bon écrire des livres de philosophie? La réponse tient à cette phrase de Whitehead, je ne pense pas en mots. Dans quoi mordent alors tous ces livres de philosophie aux pages aiguisées? Quelle est la substance de l'aventure philosophique si celle-ci prétend dépasser les interminables tautologies de la logique tout en accordant une confiance plus que modérée aux phrases plus ouvertes du langage ordinaire? La substance de la philosophie, c'est peut-être l'ambiguïté et l'insatisfaction, l'attente et l'approfondissement, l'écho d'une question dans le bruit blanc du monde, rien de moins bourgeois soudain qu'une bibliothèque de philosophie. Merci beaucoup Aurélien Bélanger, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture. Un grand merci à Isis Jourda qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Géraldine Mosna-Savoie, Mathieu Tarpin, Anaïs Isbert, Thomas Beau qui réalise cette semaine, Emmanuel Morzinkan qui est à la prise de son aujourd'hui, Vincent Schmitt à la lecture des textes. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour du philosophe Emmanuel Lévinas en partenariat avec Philosophie Magazine. Demain nous serons en compagnie du cinéaste Luc Dardenne. Luc Dardenne qui a beaucoup lu Lévinas et qui dans son cinéma laisse des traces, pour employer une expression lévinassienne, de la philosophie de son maître au sein de ses films et dans différentes scènes. On les commentera demain en sa présence. D'ici là, pour réécouter cette émission, rendez-vous sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne ou bien la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. L'équipe des Chemins de la Philosophie vous donne également rendez-vous sur les réseaux Instagram, Facebook et Twitter où nous attendons vos remarques et commentaires. On se retrouve demain à 10h précise. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.